un petit village de quelques dizaines d'habitants. J'habite un petit village de quelques dizaines d'habitants. Ni trop petit, ni trop grand, juste assez pour se connaître. Ni trop petit, ni trop grand, pour connaître tous les gens. Une maison toute en pierre avec un grand puits devant. Une maison toute en pierre avec un grand puits devant. Ni trop petit, ni trop grand, il est recouvert de lierre. Ni trop petit, ni trop grand, recouvert au fil du temps. Un trou d'eau sous la gouttière, si bien qu'on y va dedans. Un trou d'eau sous la gouttière, si bien qu'on y va dedans. Ni trop petit, ni trop grand, aujourd'hui les hirondelles. Ni trop petit, ni trop grand, viennent s'y nicher dedans. Dans la cour, y a un gros chêne qui a bien plus que 100 ans. Dans la cour, y a un gros chêne qui a bien plus que 100 ans. Ni trop petit, ni trop grand, pour faire la ronde au gros chêne. Ni trop petit, ni trop grand, pour faire le tour en chantant. Un jardin et une serre avec des fleurs au-dedans. Un jardin et une serre avec des fleurs au-dedans. Ni trop petit, ni trop grand, j'ai planté aussi des fraises. Ni trop petit, ni trop grand, les fraises je les aime tant. Et derrière la barrière, il y a un bel étang. Et derrière la barrière, il y a un bel étang. Ni trop petit, ni trop grand, y en a qui viennent à la pêche. Ni trop petit, ni trop grand, d'autres s'y baignent dedans.